France Culture, Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goémé, Hassan Mbéchour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. Nuit spéciale Chesterton. Deuxième nuit spéciale Chesterton, si vous étiez à l'écoute la semaine dernière à la même heure, vous le savez bien. Vous qui avez pu suivre une rencontre avec François Rivière, auteur d'une excellente biographie consacrée à Gilbert K. Chesterton, publiée chez Rivage, intitulée « Le divin Chesterton ». Vous avez pu suivre également une rencontre avec Louis Seabra pour son roman S, roman chestertonien, et une troisième rencontre avec Thierry Beauchamp, traducteur de la pièce de théâtre signée Chesterton, Magie. Trois titres publiés chez Rivage, maison d'édition, il y en a d'autres, l'œuvre de Chesterton est très dispersé dans ses traductions françaises. La preuve, Un homme est jeudi, le feuilleton dont vous allez entendre cette nuit les derniers épisodes, et donc La chute, ce roman est publié chez Gallimard dans la collection L'Imaginaire. La preuve aussi, Wojciech Golonka, avec qui nous avons rendez-vous, après une tribune des critiques consacrée au nommé jeudi en 1967 par Pierre Barbier, après une anthologie étrangère de 1962 par Stanislas Fumet, analysant La sphère et la croix, après Heure de culture française, les humoristes anglais, l'humour de Chesterton par Solange Datras, et avant la rediffusion d'un réplique, émission dans laquelle Alain Finkielkraut saluait l'éblouissant Chesterton. Wojciech Golonka, donc, qui publie un Gilbert K. Chesterton, portrait philosophique d'un écrivain, 1874-1936, aux éditions du Cerf. La preuve aussi, donc, que Chesterton est chez de nombreux éditeurs. Votre présence, Jean-François Merle. Bonsoir, Jean-François Merle. Bonsoir. Alors, vous êtes éditeur, et c'est chez Omnibus, donc, éditeur de la maison d'édition Omnibus, que sont rassemblés, et tant mieux, toutes les aventures du Père Brown, c'est donc l'intégrale. Alors, ce Père Brown qui est en couverture de l'édition, donc, il ne paye pas de mine. On se dit, est-ce que c'est Chesterton ? C'est Chesterton, bien entendu. Alors, la semaine dernière, François Rivière donc, nous en a parlé, mais évidemment, du Père Brown, puisque c'est ainsi qu'il a découvert l'œuvre de Chesterton. C'était dans un pensionnat, et c'est un abbé qui lui a donné un jour la première enquête, c'était en anglais, du Père Brown, ça devait s'appeler. La Croix Bleue, ça peut être ça C'est la première. Voilà, c'est la clairvoyance du Père Brown, parce que donc qui dit intégrale dit plusieurs enquêtes, 50 à peu près. En tout 52. En réalité 53, mais il y en a une qui est une fausse, puisque en fait c'était. Oui, allez-y. Vous faites des faux donc chez Omnibus. Oui, une sorte de faux, mais en fait c'était une réponse de Chesterton à une sorte de jeu. Où quelqu'un avait démarré une nouvelle et donc libre à chaque auteur de trouver une fin. Et donc, dans l'affaire Donnington, qui est une nouvelle très secondaire, Chesterton donne une fin. On ne peut pas vraiment considérer que cette nouvelle fasse réellement partie du canon du Père Brown. Oui. Est-ce que vous êtes, vous, alors Jean-François Rivière, donc, puisque vous êtes l'éditeur, c'est grâce à vous que ces enquêtes ont été réunies en intégrale, est-ce que vous êtes un passionné, j'imagine, de Chesterton, et vous êtes le spécialiste français Je suis spécialiste de rien du tout. Mais disons que oui, j'aime beaucoup Chesterton et j'aime beaucoup le Père Brown. Et quand je suis rentré chez Omnibus en 2003, je me disais c'est quand même curieux que l'intégrale des enquêtes de Père Brown n'ait jamais fait l'objet d'une édition complète, d'une édition compacte, hein, comme pouvaient fondre des éditeurs comme Bouquin, comme Omnibus, comme Quarto et d'autres. Et je me disais quand même, c'est quand même bizarre. Il se trouve par ailleurs que en discutant à gauche et à droite avec des gens, qu'on me disait que Chesterton avait la réputation d'être un auteur qui ne se vendait pas en France, ce qui peut-être avait fait reculer certains éditeurs. Et donc, bon, moi je suis là en 2003-2004, et à un certain moment, je discute avec Francis Lacassin, qui était une des personnes qui pouvait nous apporter des projets avec lesquels j'ai fait des livres, et je lui ai dit, ouais, quelque chose que je ferais bien, c'est les enquêtes de Père Brown. Et Lacassin doit me répondre, ah ben si vous voulez, il est prêt. Si vous voulez, il est prêt, parce qu'effectivement, Lacassin avait songé à ça auparavant. Il avait déjà écrit une préface qu'on a mise en postface, en l'occurrence. Bref, si bien que ça a été très facile à faire après, de réunir ça, avec, de réunir les textes, de... Il y a quelques nouvelles qui étaient inédites en français parce qu'elles étaient posthumes, hein, qui n'étaient pas regroupées dans des recueils. Eh ben, on les a traduites. Il se trouve aussi que Chesterton venait de tomber dans le domaine public puisqu'il est mort donc en 36, donc il est tombé dans le domaine en 2007. Hein, et notre édition est parue en 2008. Donc le temps de la préparer, c'était au poil, comme on dit. Alors Chesterton, il peut être connu parce qu'il a écrit Orthodoxie, Hérétique, La Chose, Pourquoi je suis catholique, trois textes publiés chez Climat, Flammarion. Il est connu peut-être pour ses textes Le Paradoxe ambulant, 59 essais, publiés chez Actes Sud. Pour le nommer jeudi, parce que voilà, publié chez Gallimard très très rapidement d'ailleurs dans les années 20, et que l'on peut entendre, que l'on doit écouter cette nuit en feuilleton, en rediffusion donc. Mais d'ailleurs, dès qu'on a écouté le feuilleton, on comprend qu'il y a du roman policier dans l'œuvre de Chesterton, mais c'est évidemment, ça peut être étrange pour un lecteur français de se dire que cet homme qui a écrit des choses très très sérieuses sur la religion, enfin très sérieuses, non, pas très sérieuses, mais en tout cas sérieusement en tout cas. sur la religion, sur l'engagement, etc., sur la vie, sur absolument tout, se soit mise à écrire des romans policiers. Ah, on sait pourquoi, oui, on sait comment. Oui, en fait, oui. D'une part, il était lecteur. Il faut se replacer au début du XXe siècle. Il y a quand même un personnage qui triomphe partout et même dans le monde entier, c'est Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, qui est quand même, j'allais dire, le personnage de fiction le plus célèbre de la littérature policière, mais de la littérature tout court. Hein. C'est ce qui était. Alors, on peut dire que Sherlock Holmes a défini, en quelque sorte, Conan Doyle n'est pas l'inventeur du roman policier, mais avec Sherlock Holmes, il a inventé réellement un archétype. Et le succès qu'a rencontré Sherlock Holmes a fait naître chez plein d'auteurs et dans la presse, un petit peu partout, des tas d'émules, hein, des auteurs qui se sont mis à faire du sous-Sherlock Holmes. Et en réalité, le mépris que l'intelligentsia professe envers ces littératures dites populaires, d'évasion, de divertissement, vient de là. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de tâcherons qui ont pollué, si je puis dire, les feuilles des journaux pour faire des sous Sherlock Holmes. Alors, Chesterton, lui, était vraiment un lecteur de romans de divertissement, de nouvelles, c'était un lecteur de Sherlock Holmes. Ça a été un des tout premiers théoriciens du roman policier, alors que le roman policier n'existe pas encore. Hein. La forme du roman policier, si je puis dire, avec Agatha Christie, qu'elle va naître dans les années 20. Donc, on ne parle pas de roman policier véritablement à l'époque. Et dès 1901, Chesterton écrit un article qui s'appelle « Plaidoyer pour le roman policier ». Policier, oui. Oui. Mmh. Et dans lequel il est assez génial, parce qu'il a compris une chose. Je cite, « Le récit policier, première et unique forme de littérature populaire, a donné un sens poétique à la vie moderne. » Donc en fait, Chesterton a compris que le roman policier succédait au conte de fées et qu'on passait de la forêt à la ville. Et il a compris que c'était l'Iliade de la grande ville. Et c'est pas de moi, hein, c'est de Chesterton. Et que les forces, il le dit lui-même, les forces dans la forêt sont des forces inconscientes, alors que les forces dans la ville sont des forces conscientes. Alors on peut trouver encore dans Chesterton le goût du bon mot, hein, et du paradoxe. Donc, bien avant le roman noir américain, le hard-boiled, Chesterton a compris que le roman policier était une forme de lutte entre l'homme et le mal. Hein. De toute façon, c'est ça qui l'intéresse, Chesterton. C'est la bataille contre le mal. Le coupable, c'est jamais qu'une victime du mal. Hein. Il a toujours beaucoup de compassion, même pour les victimes, bien sûr, mais aussi pour le coupable. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le père Brown, c'est l'anti-Sherlock Holmes. Ah, pour quelle raison? Ne serait-ce que par l'apparence. Oui. Sherlock Holmes, il est grand, il est arrogant, il est imposant, il est impressionnant. Il est anglican? Je ne sais pas. On ne sait pas. Alors que le père Brown, il est petit, il est myope, il a un grand parapluie, il ne sait pas quoi en faire, il a l'air bête, il dit n'importe quoi. La première description que donne Chesterton du père Brown au début de la Croix Bleue, et on se demande si c'est un héros, hein, le père Brown. Le petit prêtre personnifiait si bien les plaines de l'Est. Son visage était aussi rond et banal qu'une pomme du Norfolk. Ses yeux étaient aussi vides que la mer du Nord. Il transportait plusieurs paquets, etc. etc. Donc, là on a la description d'un personnage dont la banalité est le trait le plus remarquable. Hein. Et effectivement, d'ailleurs, il y a des protagonistes parfois dans la pièce. Et à un certain moment, une personne remarque qu'il y a une sorte de tas qui est dans un coin, qui ne bougeait pas. C'était le père Brown que personne n'avait remarqué. Et en réalité aussi, de la part du père Brown, cette attitude terriblement banale est une arme. Parce que plus on le prend pour un idiot, plus c'est confortable pour lui. Et effectivement... Et puis lui, il sait ce qu'est le mal. Évidemment, il entend en confession. C'est ce qu'il dit d'ailleurs à un certain moment. Il dit que les gens qui ont, comme lui, l'habitude d'entendre les méchants, si je puis dire, en confession, au bout d'un moment, ont un savoir sur le mal qui est considérable. Hein. Et vous-même, Jean-François Merle, vous avez lu à partir de quel âge le père Brown ? Mais j'ai pas commencé par le père Brown. J'ai commencé par un ouvrage qui était paru en imaginaire à la fin des années 70, qui s'appelait Le poète et les lunatiques. Mmh. Je pense que ça a dû être réédité sous le titre Le poète et les fous. Voilà, on le trouve en livre de poche. Voilà. Le poète et les lunatiques, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'achetais les livres qui paraissaient en imaginaire parce que je faisais des découvertes. Et effectivement, ça a été une découverte. C'est un peintre, je crois. Enfin, le héros est un mauvais peintre ou un mauvais versificateur. On ne sait pas trop s'il est. Bah, il est les deux. Mais... Je ne m'en souviens pas très bien, mais je me souviens, c'est l'impression qui m'en était restée. C'est d'une extraordinaire fantaisie. Je n'avais jamais rien lu de pareil. Bon, le temps passe. Je ne lis pas plus que ça de Chesterton. Et paraît en 10-18, au début des années 80, dans la toute nouvelle collection Grand Détective, La Sagesse du Père Brown. Et là, j'ai lu La Sagesse du Père Brown. Et là, j'ai commencé à lire le Père Brown. Donc là, j'avais 24 ans quand j'ai lu Père Brown. François Rivière nous disait la semaine dernière qu'il s'étonnait que finalement les enquêtes du Père Brown ne soient pas pour les enfants. Enfin, en tout cas, qu'il n'y ait pas une édition pour enfants. Oui, tout à fait. C'est la question. Bon. Bien des histoires sont quand même très très macabres. Les enfants adorent ça. Oui, c'est possible. Puisque nous nous aimons, adultes, c'est possible. La même chose. C'est possible. Mais de toute façon, Chesterton lui-même aimait ce qui était macabre, bizarre, etc. Dans les nouvelles, les décors sont... Il y a un soin qui est apporté aux décors qui sont toujours de guingois, c'est toujours bizarre, c'est toujours étrange, c'est toujours un peu noir, c'est sombre, De là à ce que les enfants, quand même. Ouais, en fait, c'est quand même très intellectuel, le père Brown. C'est très drôle, mais il y a des remarques qui tombent qui sont du coq à l'âne. Je pense qu'un enfant aurait du mal à comprendre. La semaine dernière, vous signaliez ce mot qui est dans une nouvelle, qui est. Ce que chacun de nous redoute le plus au monde, c'est un labyrinthe qui n'aurait pas de centre. Voilà pourquoi l'athéisme est un cauchemar. Ce qui est... Je m'étonnais de cette phrase. Je m'étonnais pas du tout. Ce qui est en même temps drôle. Mais j'imagine un enfant qui découvre ça, si vous voulez, je pense qu'il serait qui passerait. Alors, nous, adultes, on passe pas, mais on passe pas. On passe sur toutes, finalement, les. Ce qui peut nous irriter aussi, enfin chez Chesterton et aussi le père Brown, parce qu'on peut ne pas du tout adhérer idéologiquement, philosophiquement à ce que pense le père Brown, mais pour autant on est pris par le plaisir de ces intrigues, enfin, qui sont, on ne sait même pas s'il y a de l'intrigue, s'il y a une énigme, s'il y a des morts, ça, tant mieux, hein, enfin, puisqu'on lit pour ça, hein, quand même, oui. À chaque nouvelle. Et parfois, il n'y a rien. Parfois, il y a des nouvelles, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de meurtre, rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Le style. Il y a, d'une part, le style, mais parfois, c'est Chesterton, quand j'ai dit que le père Brown est un anti Sherlock Holmes, il y a ça aussi. Il y a ça, c'est-à-dire il ne cherche pas des mégots par terre. Voilà, c'est ça. Le père Brown, et c'est ça sa grande méthode, c'est qu'il n'en a pas. Et d'ailleurs, il le dit à un certain moment, il dit « J'accorde une grande importance aux idées floues. » Ce qui déjà est assez drôle. Mais Sherlock Holmes, lui, a une méthode. Il a une méthode, il recueille des indices, et par déduction, il va remonter, il va trouver l'histoire cachée, enfin l'histoire qui a mené au meurtre, et conséquemment à désignation du coupable. Le père Brown, non, il se méfie des indices. Puisque, justement, ce qu'il se dit, c'est que finalement, les indices, on peut leur faire dire à peu près n'importe quoi. Hein. D'ailleurs, dans les trois instruments de la mort, on a pu entendre l'adaptation pour la radio. C'est le cas. Hein. Oui. Et il y a une autre nouvelle où il se passe absolument rien, mais on entend des choses, ce qui permet au protagoniste d'imaginer des choses et finalement de créer un coupable. Alors qu'en fait, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de meurtre, il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a juste... Je vais essayer d'éviter de donner la... de spoiler, comme on dit aujourd'hui, de donner la fin, mais tout est une construction de l'imagination. C'est un criminologue spécialiste des maladies mentales. Et ça se passe au bord de la mer, et puis en effet, on arrive dans cette nouvelle, ouais. et on arrive chez un auteur, chez un écrivain, donc finalement, c'est ce qu'on souhaite, nous. Chaque fois qu'on commence une nouvelle du père Brown, on voudrait qu'elle soit différente de la précédente. Souvent, elle l'est. Oui, oui. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est la façon de faire se suivre les nouvelles, ou si c'était ainsi, comme ça, lui-même voulait changer à chaque fois. Je ne sais pas, je pense que oui, mais... Chesterton, donc en bon théoricien du roman policier, du roman policier qui n'existe pas, Chesterton s'est amusé avec justement cette forme. Hein. Et donc, il a, avec son personnage qui ressemble à tout sauf à un détective, qui est le père Brown, qui dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Et le père Brown, sa méthode, donc, c'est de ne pas en avoir. Il ne s'intéresse absolument pas à ce qui intéresse que les détectives et les inspecteurs qui peuvent l'entourer. Enfin bref, les personnes, il va s'intéresser aux gens. Et d'ailleurs, il le dit aussi à un certain moment. Il dit, bon, les indices, comme ça, c'est bien joli. Mais moi, ce que je cherche à faire, c'est que je me mets dans la peau de l'assassin. Donc, l'assassin, c'est moi. D'ailleurs, à un certain moment, on lui dit, mais qui est l'assassin ? Et le père Brown dit, c'est moi. Et il explique cette méthode. Ce n'est pas le moindre de ces paradoxes. Mais donc, il va s'intéresser à des choses qui n'intéressent pas les autres, qui n'intéressent pas les enquêteurs. Il va aller discuter avec les domestiques. Alors que vraiment, non, on ne discute pas avec des domestiques. Ça ne se fait pas. En tout cas, le domestique ne peut pas être le coupable. Non, mais bon. il va aller s'intéresser, il va aller discuter avec le domestique, précisément, parce que le domestique n'a été interrogé par personne. Il est aussi l'un des inventeurs du décalogue de Knox, là. C'est-à-dire, finalement, il y a les 10 idées pour les romanciers. Attention, ça peut pas être le coupable ne peut pas être un domestique, parce que le romancier sans intérêt, on peut pas... SS Van Dyne. Voilà, il faut que ce soit quelqu'un qu'on ait rencontré depuis le début. Et ça, alors, donc ça m'amène, Jean-François Merle, au Detection Club. Oui. Qu'était-ce donc ? Detection Club était un club qui a été créé dans les années 30, aussi bien que je me souvienne, et qui a réuni les grands noms du roman policier de l'époque, Agatha Christie, Chesterton, qui est presque leur... comment dire ? Leur père à tous, hein. C'est le patriarche dans la bande Meia, donc Agatha Christie, Dorothy Sayers, Margaret Gerald Ingham et d'autres. La baronne Orsi, Muska Orsi, l'auteur du Mouron Rouge, hein, qui n'est pas vraiment à proprement parler du policier, mais qui est aussi l'auteur du Vieil homme dans le coin. Le Vieil homme dans le coin, c'est un avatar de Sherlock Holmes. C'est quelqu'un de très très astucieux. C'est un armchair détective, comme on appelle ça, c'est-à-dire un enquêteur qui ne bouge pas de sa chaise et qui uniquement intellectuellement réussit à résoudre les énigmes qu'on lui soumet. Mais alors donc, cette Detection Club, on sait s'il se réunissait, D'une part, ils se connaissaient très bien, ils se lisaient les uns les autres, ils se réunissaient, et en particulier, ils ont écrit... Un roman ensemble, oui, alors que ça s'appelle L'Amiral Flottant, sur la rivière, oui. Wynne, c'est ça. Alors, je n'ai rencontré ce jour personne n'ayant lu ce roman, sinon pour en dire que c'était pas extraordinaire. Quand on réunit Agatha Christie, Dorothy Sayers, Chesterton et d'autres, on s'attend à un chef-d'œuvre. Un festival. Oui, mais non. Ben en fait, non. Chesterton a écrit la première histoire de l'amiral flottant. L'amiral flottant a été publié chez Gallimard dans les années 30, je crois, en 38, 39, ou quelque chose comme ça, et a été réédité il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années. Anthony Berkeley. Bref, les grands noms du roman à énigmes de... Alors, ça, chacun écrivait un... De son temps. Oui, oui. C'est un cadavre exquis, oui. Mais ça ne fonctionne pas très bien, c'est assez ennuyeux. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai entendu tellement de personnes qui m'ont dit parler. Que c'était... Oui. Ouais. C'est dommage quand même que... Alors oui. Ça, vous ne pouvez pas l'éditer chez Omnibus ? Ça a été réédité. Oui, mais chez Omnibus. Oh, ben si c'est ennuyeux. C'est trop petit. mais c'est un titre scientifique. Alors, Chesterton, donc, écrit à plusieurs... Il doit être, à un moment donné, il doit être le patron de ce Detection Club, non ? En alternance. Je ne sais pas réellement, mais c'est un club. Je veux dire, ils se réunissent pour discuter et s'amuser en réalité. Est-ce que le cinéma s'est intéressé au Père Brown ? Oui, le cinéma s'est intéressé au Père Brown, la radio et le cinéma. Il y a eu plusieurs films. Ça a commencé dans les années 30 aux États-Unis. Father Brown Detective avec Walter Connolly, que je ne connais pas. Un film de Sedgwick. Puis surtout, dans les années 50, il y a eu un film de Robert Hammer, donc School, un film anglais avec Alec Guinness. Alec Guinness donc, a interprété le Père Brown. Ce qui est d'ailleurs assez curieux, parce que le physique d'Alec Guinness ne ressemble absolument pas à celui du Père Brown tel qu'il est décrit par Chesterton, qui imagine un type tout rond, myope, alors qu'Alec Guinness est plutôt mince, c'est plutôt... chic. Oui, c'est ça. Enfin, il passe pas inaperçu, oui, contrairement au Père Brown, qui doit... Le Père Brown, qui oui. Qui doit passer inaperçu. Doit passer inaperçu et même il doit avoir l'air ahuri, alors que Alec Guinness n'a pas vraiment l'air ahuri. Enfin, cela dit, c'est un acteur peut-être qui peut prendre l'air ahuri. Il y a eu aussi trois films allemands avec Heinz Rühmann. Voilà, dans les années 60. Mais on pourrait imaginer une série télévisée. Enfin, la BBC s'est pas intéressée au Père Brown. Si, dans les années 70. Ah. En 74, il y a eu une série anglaise qui a totalisé 13 épisodes, que je n'ai pas vu, que je ne connais pas. Et que les Français n'ont pas vu. Je crois que si. Oui. Je crois avoir lu que c'est passé sur une chaîne, je ne sais laquelle. C'est étrange quand même, ce Père Brown qui occupe tout un volume omnibus et pour notre grand plaisir, Jean-François Merle, puisque vous êtes à l'origine de ce recueil intégral. Ça arrive à des tas d'écrivains, cela dit. Il y a des fans. Et puis, ils sont, je ne sais pas, l'année dernière par exemple, on a l'impression que ça a été une année chez Chesterton. Il y a eu beaucoup de rééditions et puis il y a eu la biographie de François Rivière, donc chez Rivage, le divin Chesterton. Là, c'était grande année. Cette année, en 2016, là, ça pourrait être le 80e anniversaire de sa mort. Il y a des vagues comme ça. Vous, l'éditeur, vous expliquez comment ? Je n'explique pas vraiment. Non, j'explique pas vraiment. Peut-être que la parution de la biographie de Chesterton par François Rivière a fait naître justement au sein de la presse, parmi justement les amateurs de Chesterton, et ils sont nombreux, une envie de faire partager cette passion-là, une sorte, comment dire, de cristallisation, hein, d'envie peut-être latente, hein, chez un peu tout le monde. Je ne sais pas vraiment, mais tant mieux si on parle de Chesterton. Mais évidemment. Jean-François Merle, vous avez parlé de Le poète et les fous, Le poète et les lunatiques. Ça, on peut le trouver en biblio, livre de poche. Et puis donc, c'est des personnages, c'est un enquêteur, comme ça, voilà, c'est quelqu'un qui se trouve, comme par hasard, par chaque fois là où il y a un crime. Enfin, c'est un peu le principe de tous les héros de romans ou de nouvelles policières. Hercule Poirot aussi, où qu'il aille, quelqu'un meurt. Bon, c'est pas toujours lui qui tue. Enfin, cela arrive, je crois, une fois. Mais enfin bon. Donc, y a des différences entre le père Brown et le héros des poètes et les fous. Oh, moi je dirais que le père Brown est plus achevé. Oui. Si je puis dire, le père Brown a une cohérence incroyable. Il est très cohérent. Et le père Brown n'est pas un poète. Le père Brown, à la fois, il est fantaisiste, il a une grande fantaisie d'imagination en tout cas, d'une grande tolérance. Mais c'est pas un poète. D'ailleurs, il le dit à un certain moment, je ne suis pas un romantique, je ne suis pas pénétré d'esprit romanesque. Finalement, il a à la fois énormément de bon sens et le bon sens d'un homme d'église en même temps. C'est-à-dire qu'il y a du bon sens, c'est quand même un étage au-dessus qui est celui du domaine du spirituel. Il est beaucoup plus, j'allais dire qu'il est beaucoup plus jubilatoire que le poète, en ce sens où, mais ça c'est Chesterton, c'est-à-dire que Chesterton réussit à placer son père Brown de façon toujours très déroutante. C'est-à-dire que c'est pas tellement les situations, mais c'est la façon qu'a le père Brown de réagir à tel et tel événement, alors que tout le monde patauge. Les flics pataugent, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. La plupart des mystères qui sont exposés au début de chacune des nouvelles sont des mystères très étranges, baroques, parfois, qui touchent au surnaturel, au fantastique. C'est très sombre. Hein. Faut dire qu'on n'est pas encore pas très loin au début du XXe siècle, on n'est pas encore très loin de ce qu'a pu être la mode du roman gothique anglais, hein, et ça sent d'ailleurs chez Chesterton. Oui, dans les décors aussi. Ah oui, un très grand soin, de toute façon, toujours chez Chesterton, un très grand soin au décor, mais ils sont toujours un peu de guingois, c'est toujours bizarre, à chaque fois qu'il y a un poignard, c'est jamais un poignard normal, c'est un poignard qui a une forme de serpent, enfin bref, il y a une ambiance un peu gothique comme ça, et le père Brown qui est tout gentil là au milieu avec son grand chapeau et son parapluie et son œil de myope, alors que tout le monde est en train de résoudre l'énigme, à un certain moment, paf, le père Brown il va poser une question qui n'a rien à voir. Alors tout le monde le regarde en se disant mais est-ce qu'il a bu ? Il y a une question qui revient souvent, qu'on pose souvent au père Brown, c'est qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Et le père Brown il s'explique. À un certain moment, il dit « Je peux croire à l'impossible, pas à l'improbable. » Alors, il dit « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Et il s'explique, et c'est cohérent. Les auditeurs vont poursuivre avec nous cette nuit spéciale Chesterton, la deuxième donc, on saura ce qui se passe dans le nommé jeudi. Mais avant cela, une tribune des critiques qui va revenir sur le roman, alors qu'il était republié. Heure de culture française sur les humoristes anglais. Ensuite, sur la sphère et la croix, et puis la nuit, écoutez, il faut tout écouter toute la nuit et télécharger, et voilà, et vous écouter, vous réécouter, vous, Jean-François Merle, et en tout cas, ensuite, mais dès demain, allez prendre les enquêtes du père Brown en omnibus et relire tout cela avec la biographie de François Rivière, avec tout ce qui est paru l'année dernière, reparu de Gilbert Kate Chesterton.